Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 30 juillet 2018. Voici les grands titres de cette édition. À l'occasion de cette journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains, édition 2018, l'association qui lutte pour le bien-être de l'enfant, Sogepaye, réclame la mise en place d'une commission nationale de suivi sur le trafic des êtres humains. 1000 personnes, dont 824 filles et femmes, ont été victimes de ce trafic entre les années 2011 et 2016. Et même si le Conseil national de sécurité a recommandé au ministère en charge de l'environnement de démolir toutes les maisons construites en dehors des normes tout près du centre d'épuration des eaux usées de Boutelélé, le ministre Léo Guy de Rourema dit qu'ils devront préalablement consulter les propriétaires de ces maisons et l'administration. Et les 19 candidats militaires originaires de Civitoke qui ont été récemment refoulés avaient présenté de faux documents d'identité et le processus de leur remplacement par de vrais natifs de cette province est en cours. Vous entendrez les explications du porte-parole de la Force de Défense Nationale. Et en actualité internationale, on vous parlera des élections qui se déroulent ce lundi au Zimbabwe et celles qui ont eu lieu ce dimanche au Mali. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. 1000 personnes, dont 824 filles et femmes, ont été victimes du trafic des êtres humains entre les années 2011 et 2016. Le porte-parole de l'association qui lutte pour le bien-être de l'enfant, Sogepaye, a donné ces chiffres ce lundi dans une conférence de presse à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains, édition 2018. En se référant à la loi portant sur la prévention et la répression de la traite des personnes au Burundi et promulguée en 2014, Dieudonné Nshimirimana demande la mise en place d'une commission nationale de suivi sur le trafic des êtres humains. Suivez-le. Depuis 2011 à 2016, au niveau de la FENADEB, la Fédération nationale des intervenants dans le domaine de la protection des droits de l'enfant ici au Burundi, une étude a révélé que 1000 victimes sont signalées de 2011 à 2016, dont la plupart sont des enfants et des filles. Et ici, des enfants représentent un tiers dans le monde. Ici, je reviens dans le monde où il y a à peu près 2,5 millions de... Donc, la population victime représente 2,5 millions, dont un tiers enfants et 79% des filles et des femmes. Pour le cas de Burundi, 824 sur les 1000, ce sont des filles et des femmes pour le Burundi. Une étude réalisée par la FENADEB 2011-2016. Ici, à la Sogepaye Burundi, donc un projet pour la prise en charge des victimes de la traite, nous, on enregistre 64 cas enregistrés. 41-23 en provenance du Kenya et des 41 restantes. Toutes ces victimes-là sont déjà réinsérées dans leur famille. Des enquêtes sont menées et la Sogepaye plaide toujours pour que ces enquêtes puissent aboutir, pour qu'enfin les commanditaires soient révélés. Dieudonné Nshimirimana de la Sogepaye. Et parmi les 30 candidats militaires de la province Cibitoke récemment refoulés après leur recrutement à la Force de Défense Nationale, 19 ne sont pas natifs de cette province. Comme l'indique le colonel Floribert Wiereke, porte-parole de la FDN, après enquête, il a été découvert et prouvé que ces 19 candidats avaient présenté de faux documents d'identité. Le colonel Floribert Wiereke ajoute que le processus de leur remplacement est en cours et qu'ils seront remplacés par d'autres candidats natifs de la même province en tenant compte des points obtenus. Effectivement, il y a un groupe de 30 candidats à l'entrée dans la Force de Défense Nationale qui ont été ramenés dans les provinces d'origine, la province de Cibitoke, pour procéder à la vérification de leur lieu de naissance. Alors, cela a été fait après avoir reçu des réclamations de la part des autorités provinciales et de la part des candidats qui n'avaient pas été retenus. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Le gouverneur a été saisi par les autorités civiles et le gouverneur lui-même a saisi le commandement de la FDNB pour voir dans quelle mesure cette question pourrait trouver une issue favorable. Donc, après enquête, on s'est rendu compte que parmi les 30 candidats qui avaient été retenus, seulement 11 étaient originaires de la province de Cibitoke. Donc, 19 n'étaient pas originaires de la province de Cibitoke. Qu'est-ce qui a prouvé que les 19 ne sont pas originaires de la province de Cibitoke? Ce que l'on peut dire par rapport à cette question, c'est ceci que les candidats ont, à proprement parler, présenté des documents qui étaient exigés. Mais lorsqu'on a procédé à l'enquête et qu'on a véritablement vérifié les papiers présentés, on s'est rendu compte que ces papiers étaient de faux documents. Parce que ils ne se retrouvaient pas dans les registres d'actes d'état civil. Quant à ce qui est d'autres provinces, le commandement de la FDNB a envoyé des registres dans lesquels étaient inscrits les candidats dans les différentes provinces pour que l'on puisse déceler si de tels cas ne s'étaient pas présentés lorsque l'on a procédé au choix des candidats qui avaient fait le test. Aujourd'hui, on est toujours dans le processus de recrutement. Aujourd'hui, dans tous les centres d'instruction, les médecins sont à l'œuvre, ils sont en train d'examiner les candidats et c'est dans les jours qui viennent où effectivement on aura établi une liste définitive des candidats retenus. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui seront remplacés. Parce que lorsqu'on se rend compte qu'un candidat n'est pas apte à faire l'art militaire, on le remplace avec un autre candidat de la même province en tenant compte des points obtenus. Le colonel Floribert Ebiyere, qui est porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi, au micro de Gertrude Mawenayo. Également dans l'actualité, l'association Le Bon Samaritain appelle au secours en faveur de deux enfants souffrant de malformations cardiaques et qui ont besoin d'aller se faire soigner à l'étranger. 2 400 $ américains, c'est le coût des billets d'avion qui les conduirait en France. Mais les parents se trouvent dans l'incapacité d'en avoir. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide pour ne pas rater le rendez-vous médical prévu au mois de septembre prochain. Léonce Vitalio. Witonze Noah et Joshua Rukundo, deux enfants des provinces de Mwaro et Makamba, ils ont le même âge, 4 ans, et souffrent d'une même maladie, la malformation cardiaque, une cardiopathie congénitale. Leurs parents se heurtent à un même problème, le manque de tickets pour les billets d'avion. Ils disent être dans l'incapacité et demandent l'intervention de toute âme charitable. L'association Le Bon Samaritain, présidée par Alexis Boutoyi, a aidé à hauteur de ses moyens, en menant des contacts nécessaires. Tout ce qui manque pour le moment, ce sont les billets d'avion. Les soins gratuits sont garantis. Le séjour de ces enfants dans des familles bénévoles en France. Et le convoyage par le personnel de la Air France pour dire que les deux enfants ont besoin de billets d'avion. Alexis Boutoyi plaide pour l'intervention en faveur de ces enfants. Il ne faudrait pas rater le rendez-vous du 11 septembre prochain. Ils sont programmés pour une chirurgie cardiaque en France. Le départ s'est prévu le 11 septembre. On a besoin de billets d'avion pour ces deux enfants. Toutes les personnes qui nous écoutent, il va donner le peu qu'il est peu. Ensemble, on va mettre des efforts, on va sauver les enfants. Le ticket d'avion dont Noah Witonze et Joshua Rukundo ont besoin pour aller bénéficier de l'opération chirurgicale en France est de 2 400 $américains. Qui voudrait apporter son aide pourrait appeler au 79 445 016. C'est à l'association Le Bon Samaritain ou même au siège de la radio Isanganiro. Le message passe facilement. La radio de l'avenir. Le ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage et l'environnement compte approcher d'abord les propriétaires des maisons construites dans le périmètre du bassin d'écrêtement des eaux usées de Buterere avant de penser à la démolition de ces infrastructures. Alors que le ministre Deogui Derurema présenter les réalisations de son ministère pour le premier semestre de cette année. Il a également réagi à l'ultimatum du Conseil de sécurité qui recommandait à ce ministère de démolir d'ici 3 mois toutes les maisons construites en dehors des normes. Suivez le ministre Deogui Derurema. Igikorwa c'iwacu twenyine hariho abajejwe intwaro hariho abajejwe ibidukikije hariho n'abajejwe ibikorwa bya leta aha rero ni igikorwa tuzo. Ce travail ne revient pas seulement à nous, il y en a l'administration, de l'environnement et des travaux publics. C'est un travail de synergie. Pour moi, c'est vrai, c'est dangereux parce que les maisons sont construites au bord de ces saletés de toutes sortes. Qu'on accepte la construction des maisons et mettre en danger la santé de la population. Vous entendez que peut-être l'important est de démolir ces maisons en dehors 3 mois. Mais avant de démolir, nous, notre objectif dans notre ministère, notre constat est qu'il y a un gouffre entre la population et se charger d'exécuter les programmes du gouvernement. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'approcher cette population de Buterere et leur montrer les conséquences sur eux et leur progéniture. Qu'ils comprennent, d'abord, qu'ils sont dans un endroit inapproprié. C'est ce travail que nous entamons bientôt. Vous avez entendu que c'est un travail de synergie. Il faut une sensibilisation, que la population prenne plus de conscience sur cette situation. Puis, après cette sensibilisation, ce sera le tour de voir les maisons illégalement construites, ou bien le gouvernement burundais peut prendre des mesures adéquate pour protéger cette population. Cyangwa naho byo bari byo leta y'u Burundi numvyeyi wabenegihugu irashobora gufata ingingo zibereye kugira ngo ikingire abenegihugu. Le ministre Deogui de Rurema, traduit par Elie Nibel Nibigira. Et concernant la subvention des engrais chimiques en faveur des cultivateurs, le ministre Rurema a fait savoir que les besoins ont augmenté alors que le gouvernement n'a pas révisé à la hausse le budget pour cela. Mais il affirme que le gouvernement s'organise comme il le peut, même si certains partenaires se sont désistés. Du sport, la formation féminine de Muzinga a remporté ce samedi le trophée de la première édition de la Coupe du Président en volleyball. Chez les hommes, c'est l'équipe de la police Rukinzo qui a gagné la première place dans un match qui s'est déroulé au stade Urukundo de Ngozi. Et en basketball, la formation de Dynamo a été sacrée championne de la saison 2018 après avoir battu en finale l'équipe Urunani. C'était ce dimanche au terrain du département des sports. Les détails avec Jean-Marie Vianney, Ngendakumana. Ce samedi, le 28 juillet 2018, les matchs de la finale de la première édition de la Coupe du Président en volleyball ont été joués au stade Urukundo de la province de Ngozi. Du côté féminin, c'est la formation militaire de Muzinga qui a été sacrée championne après avoir battu 3-7-1 l'équipe de Gender Light Club. Du côté masculin, c'est la formation policière de Rukinzo qui a remporté le trophée après avoir éliminé l'équipe amicale des sports de Bujumbura sur le score de 3-7-1. Dans le basketball, c'est la formation de Dynamo qui a gagné la finale de la saison 2018. Ce dernier a battu l'équipe Urunani 67 points sur 53 points. Ça faisait 31 ans que cette formation ne remportait pas le trophée en basketball. Dans le cadre du préparatif du championnat national baptisé Primus League, des matchs amicaux des équipes de la première division ont été joués week-end écoulé. Au stade Urukundo de la province Ngozi, la formation messager Ngozi a égalisé un but partout avec Kayanza United, récemment qualifié pour la première division du championnat national Primus League. Au stade Ingoma de la province de Gitega, la formation Aigle Noir des Fighters a égalisé un but partout avec Musongati FC. En province de Luigi, devant ses supporters, la formation Flambeau de l'Est a battu Ngozi City sur le score de 3-1. Actualité internationale. Au Zimbabwe, les électeurs sont appelés aux urnes ce lundi 30 juillet pour élire leur président, mais aussi leurs députés et conseillers municipaux. Et au Mali, les bureaux de vote ont fermé officiellement à 18h TU hier pour le premier tour de la présidentielle. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta était face à 23 autres candidats, dont le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Mireille Naomi Nitegeka. Au Mali, comme nous le lisons sur Internet d'RFI, les bureaux de vote ont fermé officiellement à 18h, temps universel, hier dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta était face à 23 autres candidats, dont une seule femme. Le vote a pu se dérouler dans des conditions normales dans les grandes villes du pays. L'un des enjeux de cette journée, c'était la sécurisation du scrutin, notamment dans le centre et le nord du pays. Quelques incidents ont été signalés, notamment dans la région de Kidal, où en milieu de journée, plusieurs obus sont tombés à Gelok sans faire des victimes. Et à Laïfia, une commune de 16 000 habitants à l'est de Tambouctou, des hommes armés ont brûlé des urnes la nuit dernière. Le vote a été annulé. Les premières partielles sont attendues d'ici environ 48 heures. Le gouvernement a 5 jours après le scrutin pour annoncer les résultats définitifs. Tout comme au Zimbabwe, aujourd'hui, lundi le 30 juillet, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président, mais aussi leurs députés et conseils municipaux. La veille du vote a été marquée par un événement de dernière minute, une conférence de presse inattendue de l'ancien président Robert Mugabe. Devant une cinquantaine de journalistes, rien n'indiquait que l'ancien chef de l'État, limogé en novembre, prenait la parole. Robert Mugabe a critiqué le régime en place et annoncé qu'il ne votera pas pour la ZANU-PF, son propre parti. C'est en véritable attaque contre la ZANU-PF et le président Emmerson Mnangagwa à laquelle s'est livré l'ancien président Robert Mugabe. Depuis novembre, Robert Mugabe dénonce régulièrement ce qu'il considère comme un coup d'État. Il dénonce des conditions dans lesquelles il vit. Selon lui, sa famille est intimidée et l'État limite ses visites. Il s'est même plaint de revenus qui lui sont accordés. Ceci étant, c'est quand même la première fois qu'il s'en prend aussi violemment au nouveau chef de l'État et surtout qu'il dit clairement qu'il ne votera pas pour la ZANU-PF. De son côté, Nelson Chamisa, qui veut incarner le changement, accueille avec prudence et embarras ce soutien. Il appelle la ZANU-PF à laisser l'opposition tranquille et à gérer le vieil homme. Mireille Naomi Nitegeka, c'est sur ces nouvelles en actualité internationale que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Également, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Audrine Naikeza pour la mise en onde au micro. Jean Bosco, Douimana, passez un bon après-midi.